paradis et l'enfer sont ici. Derrière chaque mur, chaque fenêtre. Le monde derrière le monde. Et nous, on est en plein milieu. Abusé, dérouté, arrivé dans un pays étranger, sentant rejeté par des hypocrites, des suspects, des vicieux. Ici y a pas d'envieux, juste des mecs qui veulent percer l'hymen avant de tomber dans l'oubli comme une crise d'épilepsie. Je veux pas mourir ici, je veux pas finir ici. Je rêve de mon pays comme il était autrefois, avant qu'un petit bonhomme s'approprie ce qui ne revient pas. Maintenant nos soldats se mangent entre eux, qui viendra arrêter tout ça, tout ce massacre qui n'en finit pas. Car c'est W là, maintenant on arrête tout ça, tous ces fils de pute qui nous prennent pour des petites putes. Si on arrive au but, je représenterai tous ces galériens qui tueraient pour les bouchées de pain. KCW en Rendanta, Canada, Malo, le Gréco et toi bourgeois, bien que t'en as les poches pleines. Pas de soucis, pas d'ennui, sauf la nuit, tous les chats sont gris. Tu marches dans un monde à part, apparemment j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ta couleur va pas avec ce putain de drapeau. J'suis pas venu en bateau, mais on me sert les taux. J'aimerais gagner au loto, prendre des photos, tour à tour. Tu tournes en bas des tours, bloc 2, 34, 150 dans le virage. On vit mal et l'état s'en fout. Laisse-moi finir ma canette et je la casse sur la tête. Pouvoir revenir en arrière, rattraper le retard, pour que nos proches s'accrochent, pour que l'avenir s'égare. Gare à ça, mec, gare à toi, gare aux corbeaux qui soudain se mettent à parler, gare à tes potes qui t'ont préparé comme un bon plat, jusqu'à quand de cuisine. Alors gare Louis Fine et fais pas de quartier dans ton gâteau. Vite pète le radeau, déchire le rideau, tout ça c'est du bidon. Bas les masques, fini les coups pleins de crasse, prends une douche, cher part à zéro. Plus de souvenirs moches, plus de sillons, coups de pioche. C'est violent tout ça, c'est pour la rue qu'on se torture le bide, pour la frime qu'on dépense plein de fric. On fait style d'avancer sans hic, mais les chances sont là et les faits se relatent, éclatent à la tête. Puis on fait style de rien, on veut tout jouer les héros. On fait des erreurs qui s'accrochent à notre parcours, et ça c'est partout, je crois même que par coup. Et t'en vois pas le bout, mais par contre les embrouilles tu les connais. Par peur peut-être, par peur des autres, parfois des tiens. Moi ça va, je sais où j'en suis, donc y'a pas photo. On est là hélas, mais on s'accroche, on fait kicker tes baffes. Si tu veux on se rapproche, pour la voix des oubliés, la voix des chiens muselés, le cri d'une jeunesse tyrannisée entre les problèmes de couleur et les problèmes de défense, la misère des familles et les autres, ceux qui profitent à toutes les échelles. Pour ça malheureusement on en paye cher, soit notre peau soit notre paye, leur tête contre la mienne. Aller à l'ancienne sans faire de partie, mais juste poser deux ou trois patates entre quatre cloîtres, ça y est c'est pour le 34. Gignac et ses peines, Gignac et ses haines, ses représentants, alors pas de refrain chantant, vantant les mérites d'une musique réglée pour que ça rentre vite. Pas de ça chez nous, terrain inconnu, événement vrai, événement vécu, passé qui rattrape, le présent s'adapte, mais le futur nous attend avec un gros coup de pied au cul. Même s'il faut t'es ok, mais au cas où prépare tes occasions, laisse rien passer ou arrête tout avant que t'étouffes, mais reprends ton souffle. C'est encore loin le bout du tunnel, ça use tout ça, ça fait perdre le calme. Qui te parle de karma? Évitez les tabous, les parents sont tabous, les enfants dans le blabou, c'est moi le babtou. Plus blanc qu'un comprimé, marre de voir les comprimés. Aux Oscars, pas de lascar, 135, 100 grands zinc. W.O.R, mieux qu'un missionnaire, arrivé sur terre pour faire taire tous les vénères. Surtout pas les mères quand j'ai les nerfs. La vérité émerge et nous on se rembarge. Arrivé sur l'autre berge, on vit tous en marge. Charge le MP3, pas le Beretta, t'es bête et t'as rien du tout capté. On est tous athées, pas de religion, notre son suffit à rallier les gens. Oublie l'or et l'argent, continue ta route, c'est le feu vert. Reste dans la troupe, c'est le revers, revers de la médaille. Et mes frères d'aille au coin de la rue, personne n'a vu, tombe dans la butte, je n'y crois plus. Écoute mes putains de chansons, mieux qu'un graphe sur une feuille canson. Quand sont arrivés les émigrés, personne ne les a dénigrés. Bien content que les gens reconstruisent à ce franc, venu ici dans ce pays. Ce monde on le refait avec des si, tous indécis. Quand on est parti, mon grand-père français était résistant, mon grand-père polonais était dans les camps. Et regarde-nous, du mal à joindre les deux bouts. KCW toujours debout, W.O.R. représente la demeure, n'oublie pas les deux guerres, génocide ou meurtre. Nos textes se heurtent quand ces personnes attendent ces putains de légendes. Les gens de mon pays ne sont pas ceux qu'on apprécie. Les gens de mon pays ne sont pas ceux qu'on apprécie. Tous ces galériens qui tueraient pour les bouchées de pain. T'as fait perdre le calme, qui te parle de karma? Laisse-moi finir ma canette et je la casse sur la tête. Arrivé dans un pays étranger, sentant rejeté. La vérité émerge et nous on se rembarge. Arrivé sur l'autre berge, on vit tous en marge. Tu marches dans un monde à part, apparemment j'ai fait ci, j'ai fait ça. La misère des familles et les autres, ceux qui profitent à toutes les échelles. Pour ça, malheureusement, on en paye cher. Soit notre peau, soit notre paye. Leur tête contre la mienne, allez, allons. ancienne. Le paradis et l'enfer